Gucci, bande de putain. La crème de corbeille, tartare et musique infâme, staff. On a le mental incassable. Ça met à corbeille, 91 ans, refus d'obtempérer. Tartare est criminel, ennemi de l'État, aimerait nous enterrer. Issus des quartiers respectés, quand on déboule, c'est pas pour où se péter. On a les couilles armées pour tout péter. Tour menacé, embarrassé, ça veut pas cesser. Les condés nous sourient que pendant les périodes de TC. On fait sa propre sans trace, on va rien te laisser. Assez des coups de crasse qui mènent au Détroit pour encaisser. Pas par mon cul, même si ma tête est malade. Tartare et musique, unité de feu, flot de malade. 91 Beretta. On va te faire un deuxième trou de balle. Demande à la capote, on fuit. On crapote pas, on représente la banlieue sud. Ouais. Cousin, le nord s'est démodé comme un paquet 10 Marlboro Light. Ouais. C'est mental qu'on t'a bloqué. L'industrie, on fait coquer. Ouais. Ta femme, on fait tourner comme un pilon bien chargé. Okay. C'est les tartares, brolic verbal, pull cartable. Général du CH, gros style achète. J'm'achète quand j'déboule, trouve-toi une cachette. Au microphone, v'là la crème qui traque. J'pars en sucette, nique les tasses, pêche, dépêche, la pêche. 4 ans vont scorber, tarte aux on déboule comme les 300. Appelle-moi Léonidas sous le feu qui tabasse. Général désarmé. C'est corbé à la paille, next level, pure crème. On arrive en surface, on part à la chasse. On t'arrache dans des aliens, interdit aux gros chiennes. On t'encule pendant ton sommeil, d'Evry jusqu'à Corbeil. C'est corbé à la paille, next level, pure crème. On arrive en surface, on part à la chasse, les mains pleines. On t'arrache comme des aliens, interdit aux gros chiennes. On t'encule pendant ton sommeil, d'Evry jusqu'à Corbeil. J'connais la haine des gens, tu peux me baiser à tout moment. Termine mes soucis. Pour l'instant faut que je fasse du rendement. Faut que je fasse du rangement. Trop de sentiments donc je souris rarement. Trop mal j'ai besoin de calmant. Besoin d'argent. Besoin de la mifa d'un gros AK. C'est trop racaille. Écarte-toi à taille. Ça fait que place à des fourrailles. C'est pour les frères qui ont la dalle. C'est un animal. Je me présente Siriden et qui est Salmoum. J'encaisse tout dans les côtes et je marche la tête haute. Je suis rappeur en fusillade, ton flow balafré. C'est 9-20 en braquage qui t'a castré. C'est ma thèse qui destine tous ces parpaings. Tarteret, c'est l'enfer pour les baltringues. Ne me teste pas et laisse-moi faire mon 11. Y'a pas à dire, tu peux pas te lâcher mon 9-11. 91 sang, mon code postal. On s'installe n'importe où comme des vendeurs de pastels. On représente la rue comme personne. Appelle-nous, on vient mettre le coup de grâce. Des coups de crosse pour ceux qu'on fait des coups de crasse. Ils vont tous sauter comme Chris Cross. Zizani, il faut en tenir de rigueur. Toujours vainqueur, entraîneur à la Arsène Wenger. C'est corbé à la paille, next level, pure crème. On arrive en surface, on part à la chasse. On t'arrache dans des aliens, interdit aux gros chiennes. On t'encule pendant ton sommeil, d'Evry jusqu'à Corbeil. C'est corbé à la paille, next level, pure crème. On arrive en surface, on part à la chasse, les mains pleines. On t'arrache comme des aliens, interdit aux gros chiennes. On t'encule pendant ton sommeil, d'Evry jusqu'à Corbeil. Devine qui revient, brut, infâme, star, ticon. La crème de Corbeil, paré à blesser quiconque. Bienvenue au pays du fromage, là où plus le rappeur pue, plus le leader kiffe sa race, quel dommage. Infâme staff, te le tatoue sur le torse. Si t'as le pec qui explose, normal, c'est l'effet corse. En fait, pourquoi tu rames? C'est l'effet mode, sors de la cabine, prends le micro dans le cul, c'est l'effet gosse. Une capuche, des gants, une pelle. J'suis venu pour enterrer ton rap qui fait de la peine. Signé chez ISF, on l'appelle. Si tu testes, on te paie juste au cas où je te le rappelle. De la violence sonore, c'est ce que je sème. Si t'aimes, écoute, si t'aimes pas, écoute quand même. Nique la mère à ceux qui nous freinent. Maniaque, cruel, l'un ou l'autre, c'est la même. Misérable, je représente le quota. Madine Simon, vivant dans le coma. C'est mes semblables, la morale. Je laisse ça aux faibles. Quand tu nais sur le baril, tu meurs dans la braise. Violence, un rap sale, roule un gros joint. Ne confonds pas l'aileron d'un dauphin à celle d'un requin. T'auras la crème sur les mains, parce que comme d'hab, moi je fais la queue, même si la queue c'est pour les tympes.